acier. Que vas-tu encore me labourer? Me laisseras-tu sur les carreaux, avec en plus la tête sous l'eau? Mais fais gaffe, je suis carnassière, mes ragards vont de barrière. J'ai pas appris à moduler, ça me retombe sur le sucrier. Lequel des deux va bouffer l'autre, lui arracher le plus gros morceau, se recouvrir ses oripeaux pour les redistribuer à d'autres? Tu pourrais bien faire un effort pour ne pas m'emmener vers la mort. Sors donc un peu de ta carcasse et casse-toi de ta carapace. Hé, machin, si tu voulais te rapprocher, prendre un peu moins et plus donner, au moins fais semblant d'échanger, tu m'y retrouveras bon marché. Mais non, il y a la route, belle comme un beau pâté en croûte. Tu crois que tu vas y trouver ce qu'il te faut pour exister? Moi le voyage je le fais tous les jours, mais pas en rentrant dans toutes les cours. Des fois, je voudrais m'arrêter. Je commence à être claqué. Alors, je voudrais te voir craquer. Ouais, je voudrais te voir flipper. Ne plus être seule à penser que j'ai besoin de te toucher.